Chapitre 9. Joseph, ayant jeté sa hache, vint avec les autres. Et s'étant réunis, ils allèrent vers le grand prêtre, après avoir reçu des baguettes. Le grand prêtre prit les baguettes de chacun, il entra dans le temple, et il pria, et il sortit ensuite, et il rendit à chacun la baguette qu'il avait apportée. Et aucun signe s'était manifesté. Mais quand il rendit à Joseph sa baguette, il en sortit une colombe, et elle alla se placer sur la tête de Joseph. Et le grand prêtre dit à Joseph, « Tu es désigné par le choix de Dieu afin de recevoir cette Vierge du Seigneur pour la garder auprès de toi. » Et Joseph fit des objections, disant, « J'ai des enfants et je suis vieux, tandis qu'elle est fort jeune. Je crains d'être un sujet de moquerie pour les fils d'Israël. » Le grand prêtre répondit à Joseph, « Crains le Seigneur ton Dieu, et rappelle-toi comment Dieu agit à l'égard de Dathan, d'Abiron et de Corée, comment la terre s'ouvrait et les engloutit, parce qu'ils avaient osé s'opposer aux ordres de Dieu. Crains donc, Joseph, qu'il n'en arrive autant à ta maison. » Joseph, épouvanté, reçut Marie et lui dit, « Je te reçois du temple du Seigneur, et je te laisserai au logis, et j'irai exercer mon métier de charpentier, et je retournerai vers toi, et que le Seigneur te garde tous les jours. »